Jesucristo. Listo. Levons-nous pour la prière. Tushima me Dieu à moi. Accente bueno. Accente bueno. Amen. Accente bueno. Accente bueno. Amen. Yaku. Nous te demandons pardon. Nous sommes des hommes faillibles. D'une manière ou d'une autre, nous branchons. Là où nous n'avons pas agi d'une manière correcte, là où nous t'avons offensé, ce soir, nous invitons le sang de Jésus-Christ. Nous frappons à ta miséricorde. Que tu nous pardonnes, Seigneur. Que tu puisses nous purifier. Afin que nous puissions être une bonne offrande devant ta présence. Dieu Tout-Puissant, merci. Parce que tu nous as donné une occasion pour t'écouter. Tu as promis que tu seras là où se réunissent deux ou trois personnes. Soit avec nous ce soir. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Du début à la fin de ce service. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Deuxième chronique au chapitre 12. Mambo ya siku ya pili sura ya 12. Lorsque Roboam, verset 1, se fut affermi dans son royaume, wakati Roboam alijikakamisha mfalme wake, et qui lui acquit de la force, na akapata nguvu, il abandonna la loi de l'Éternel, akaacha sheria wa milele, et tout Israël l'abandonna avec lui. Na Israël muzima na yo ikaacha. La cinquième année du roi de Roboam, mwaka wa tano wa mfalme Roboam, Sishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 70 000 cavaliers. Alikuwa na magari 1200 na bafanda farasi 70. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable. Na alikuwa kutoka Misri pamoja naye na taifa mingi sana. Des Libyens, batu ya Libyen, des Sukiens, basukiens, et des Éthiopiens. Na baku Éthiopia. Il prit les villes fortes akashika mamiji ya nguvu qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Ile ambayo ilikuwa ya Yuda na akafika na Jerusalem. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeza mabaraka kusoma neno lake. Depuis hier, nous parlons du comportement que doit avoir une véritable brebis envers son berger en ce qui concerne la prière. Tangia jana tulianza kusemea juu ya mwenendo ile mwaminifu anapasha kuya nayo kumbele ya mchungaji wake kwa mambo yako naangalia maombi. Nous avons montré qu'une véritable brebis, tulionesha kusema kondoo ya kweli, ne peut à aucun cas achever sa prière, asiweze kamwe kumaliza maombi yake, sans prier pour son berger, bila yeye kuombea mchungaji wake. Si il connaît réellement la responsabilité que le berger assure son troupeau, kama anajua mzuri mzuri bujito bule mchungaji yako nabo yulu ya kondoo. Hier, en parlant de main de Moïse qui devait être soutenu, jana mkusemea juu ya mikono ya Musa ile baripasha kuishikamisha, j'ai parlé de Josué et de Hur. Nilisemea juu ya Yoshua na Hur. C'est lorsque je suivais ça le soir que j'ai compris que c'était une erreur de langage. Wakati nilikuwa nafuata magharibi ndiona kusema ilikuwa ni kusema kubaya. Ceux qui soutenaient les mains de Moïse lorsque Josué combattait contre ses ennemis, c'était Aaron et Hur. Et ça, vous pouvez le lire dans Exode 17, dans son verset 10 à 12. Aaron et Moïse et Aaron et Hur, Aaron et Hur devaient soutenir les mains de Moïse baripasha kushikamisha mikono ya Musa pour que Josué ait la victoire sur les ennemis. Juu Yoshua apate ushindi kubadui. C'est ça un bon comportement que nous devons avoir. Njo mwenendo mzuri ambao tunapasha kuya nayo. Il est très important que l'Église comprenne cela. Iko ya mafaa sana kanisa ipate kuelewa hayo. Dans le message, les chemins pourvus par Dieu, mumujumbe njia yenye kutayarishwa na Mungu, prêché le 13 mai 1953, dans son paragraphe 8, munukta yake munane, le prophète dit ceci. Nabi eko nasema hivi. Allez à votre église. Mwende kukanisa yenu. Soyez vraiment loyal. Mukuye benye kuya bazuri. Restez à côté de votre église. Mbakie kando ya kanisa yenu. Restez à côté de votre pasteur. Mubakie kando ya mchungaji wenu. Aidez-les avec tout ce que vous avez. Mumusaidie na vyote ambao muko navyo. Donnez-lui un support spirituel. Mumupatie msaada ya kiroho. Jeûnez et priez pour lui. Mufunge chakula na mumuombee. Et ayez foi en lui. Namukwele. Et Dieu conduira l'église en ce jour glorieux que nous attendons voir venir. Na mkuwe na imani kwake na Mungu atongoze ile kanisa mu mashiku mizuri ile tuko na chunga ipate kufika. Jeûne et prier pour lui. Mufunge chakula na mumombee. Quand l'église comprend la responsabilité, wakati kanisa inaelewa bujito, qu'un berger a, ile ambao mchungaji yuko nabo, si le berger dévie du droit chemin, kama mchungaji anaponyoka mnjia ya kunyoloka, l'église déviera aussi. Kanisa nayo nayo itaponyoka mnjia ya kunyoloka. C'est pourquoi elle a l'intérêt à intercéder pour l'homme de Dieu. Ndio kwa maana ni mapasho yabo ya kumuombea mtumishi wa Mungu. Dans Ephésiens au chapitre 6. Mu wa Efeso sura yake ya 6. Dans son verset 19. Mstari yake ya 19. Paul demandait à l'église. Paulo alianza kulomba ukanisa. D'intercéder pour lui. Ipate kwanza kumuombea. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Muniombe juu ipate kunipewa wakati nitafungula kinywa nipate kutangaza munamna mzuri masiri ya injili. Ndio apeke courage. Na odari masiri ya injili. Et librement le mystère de l'évangile. Masiri ya injili. Pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes. Kule ambao niko mbalozi mminyololo. Et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Na, niseme na hakikisho vile napasha kusema. C'est très important que l'église comprenne cela. Ni amafa kanisa ipate kuelewa ile. Pour que l'onction soit toujours sur le berger, sur le conducteur, afin qu'il annonce l'évangile avec courage. Juu pako ipate kuwa kila mara yule ya mchungaji juu apate kutangaza na udari injili. Qu'il agisse sous la conduite du Saint-Esprit et sous la conduite de Dieu lui-même. Apate kutenda chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu na ya Mungu mwenyewe. Au Colossiens, il fait la même recommandation. Wa Kolosai analeta agizo moja. Au Colossiens chapitre 4. Wa Kolosai sura ya 4. Dans son verset 3. Mstari ya 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Mutuombe tena siye juu Mungu apate kutufunguria mlango juu ya neno. En sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Ju nipate kutangaza siri ya Kristo mule ambao nafungwamo. Et de le faire connaître comme je dois en parler. Na nipate kujua vile napasha kusema. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Wa Thessalonika wa kwanza sura ya 5. Dans son verset 25 il est dit. Makumbi na 5 na msemo. Frère. Nduku. Priez pour nous. Mutuombe. Ce ne sont pas seulement les conducteurs qui doivent prier pour l'église. Aina paka biongozi wanapasha kuombea kanisa. L'église aussi a un devoir sacré de prier pour les conducteurs pour qu'ils soient maintenus sur le droit chemin. Kanisa nayo iko na mapasho takatifu ya kuombea bachungaji juu wapate kushimama mzuri. Hebreu chapitre 13. Hebrania 13. Dans le verset 18. 18 ya mstari. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Mutuombe juu tunaamini kusema tuko na dhamiri safi, benye kupenda kila wakati kujiongoza mzuri. C'est avec insistance que nous vous demandons de le faire. Ni na mukazo kabisa ile tuko na milomba mpate kuifanya. C'est avec insistance. Ni na makukazwa. Tuko que na mikazo. Je vous demande de le faire. Ile niko na milomba mpate kufanya vile. Vous voyez. Munaona. C'est très important de le faire. Iko ya kabaila sana kuifanya. Mais remarquez ici, dans 2e Chronique, au chapitre 12 où nous sommes, basangalia huko mambo ya siku sura 12 kule tuiko. Lorsque Roboam et tout Israël abandonna la loi de l'Éternel, wakati Roboam na Israeli yote baliachilia ya sheria ya milele, et qu'ils péchèrent contre Dieu, na bakatenda bakamtendea Mungu zambi, l'Éternel s'était mis en colère contre eux. Amilele adibashirikia. Ils avaient excité la jalousie et la colère de l'Éternel. Barilamushaka buivu na kasirane wa milele. Dieu n'aime pas que son peuple l'abandonne. Mungu asipendake taifa yake ipate kumwacha. Dieu aime voir son peuple à son service à tout moment. Mungu anapenda kuona taifa yake mkumtumikia kila wakati. Parce que le Seigneur aime leur faire du bien. Dieu a milele anapenda kubafanishia vizuri. Dieu n'a jamais souhaité voir le malheur venir sur son peuple. Mungu ashiapendaka kamwe kuona ole inafikia taifa yake. C'est le peuple lui-même, ni taifa yenyewe, dans son incrédulité, qui amène la colère de Dieu sur eux, bana leta kasirani ya Mungu yulu yabo, et qui tire la malédiction sur eux, na beko na leta lana yulu yabo, par leur désobéissance, kupitia kukosa kutii kwabo. Lorsque tout Israël, wakati Israël yote, abandonna l'Éternel, bari mwacha wa milele, Dieu a visité les ennemis d'Israël pour venir les détruire. Mungu arilamushaka ba adui ba Israël juba kuye ba muharibishe. Dieu avait résolu, Mungu aribebaka mipango, de prendre Israël, kubeba Israël, et de le détruire par la main de ses ennemis. Na kumuharibisha kupitia mikono ya badui bake. Bien-aimés frères, j'aimerais que chacun de nous comprenne ceci. Bapendo bandugu napenda kila mmoja wenu apate kuelewa hii. La protection d'un véritable chrétien, ukingo ya mkristo wa byakweli, la protection d'une famille chrétienne, ukingo ya jamaa ya bakristu, la protection de l'église, ukingo ya kanisa, se trouve derrière l'obéissance de toute la parole de Dieu. Iko napatikana ni wakati bantu beko na ti neno yote ya Mungu. Lorsque un homme, un foyer, une église se soumet à la volonté de Dieu, rien de mal ne peut l'atteindre. Notre sécurité se trouve en Dieu. Notre protection se trouve en Dieu. Inapatikana ndani ya Mungu. Notre force se trouve en Dieu. Iko ndani ya Mungu. Notre bénédiction se trouve en Dieu. Baraka yetu iko paka ndani ya Mungu. Lorsque nous abandonnons Dieu et sa parole, wakati tunaacha Mungu na neno yake, nous devenons faibles, tunakuwa bazaifu, nous devenons fragiles, tunakuwa teketeke, et Satan peut nous atteindre à tout moment. Na shetani anaweza kutukuta kila wakati. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada yangu. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Kuko bia mingi bile ambavyo unatufikia. Uniquement parce que nous avons abandonné la parole. Jutu tuliachiria neno. Parce que quand vous abandonnez la parole, ju wakati unaacha neno, vous ôtez au-dessus de vous la main toute puissante de l'Éternel. Unatosha yulu yako mkono ya uwezo ya wa milele. C'est vous-même qui sortez de la protection de Dieu. Ni wewe mwenyewe unatoka mukingo ya Mungu. Quand vous êtes avec Dieu, wakati uko na Mungu, vous êtes à un endroit sûr. Uko pafua shimoya ya hakika. Il n'y a rien qui peut vous atteindre. Kuna kitu kitakubamba. Même Satan et ses démons ne peuvent pas te vaincre. Hata shetani na mapepo mchafu haiwezi kukuwina. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est pourquoi il est très important que nous comprenons, nous tous, l'intérêt que nous avons à honorer Dieu, à honorer sa parole, neno yake, et être derrière lui en toutes choses. Ne soyons jamais insensés. Peu importe la paix que nous pouvons avoir. Peu importe l'argent que nous pouvons posséder. Peu importe les maisons dans lesquelles nous pouvons dormir. Ne soyons jamais des insensés. Pour ôter la main de l'Éternel dans notre vie. Juu tupate kutosha mkono wa milele mu maisha yetu. Il n'y a que des fous. Kunikala papa majimu. Qui pense être sage. Wanawajia kuya na hekima. Qui se croit être fort par eux-mêmes. Wanawajia kwa beko na nguvu wao wenyewe. Et ignore Dieu dans leur vie. Na bana kalamu sababu Mungu maisha yabo. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Voilà le royaume d'Israël qui était sécurisé. Tazama ufalme wa Israeli ilikuwa mukingo. Ils abandonnent la loi de l'Éternel. Bakacha sheria wa milele. Ils pêchent contre l'Éternel. Bakamutendea Mungu zambi. Et Dieu envoie des ennemis. Na Mungu akatuma badui. Et quand les ennemis commençaient à venir attaquer Israël, na wakati badui barianza kuya kukombanisha Israël, et pour assurer à Jéroboam que cela venait de la main de l'Éternel, Dieu envoya le prophète Shemaïja pour dire à Jéroboam et à tout son peuple, comme vous m'avez abandonné, moi aussi je vous abandonne. Je vous livre entre les mains de vos ennemis. Na mitoa mikono ya badui benu. Comme vous avez agi en insensé. Vile mulitenda sababu mbafu. Et que vous n'avez pas compris. Na amkuelewa. Que la force que vous aviez. Kusemele nguvu mulikuwa nayo. La bénédiction que vous aviez. Baraka ambayo ulikuwa nayo. La paix que vous aviez. Salama ambayo ulikuwa nayo. Venez de moi. Ilianza kutokea kwangu. Vous m'avez ignoré. Muri ni sababu. Vous avez ignoré ma parole. Muri sababu neno yangu. Maintenant moi aussi. Na mie naye. Je vous ignore. Na misabu. Comme vous m'avez abandonné. Vile muri niachiria. Moi aussi. Na mie. Je vous abandonne. Na miacha. Alors que vous êtes en difficulté avec vos ennemis. Wakati mko magumu na badui benu. C'est vrai, frère. Ni bien kweli nduku. Un véritable chrétien. Mukristo wa bien kweli. Fait tout ce qui a son pouvoir pour ne pas être abandonné par le Seigneur. Anafanya kayote ko munguvu yake juu Mungu ashimwache. Si Dieu t'abandonne, c'est fini. Kama Mungu anakuacha kunaisha. Le prophète leur dit. Nabi akabaonesha. Dieu a résolu de vous abandonner. Mungu alibia mipango ya kumiacha. Parce que vous avez quitté sa protection. Juu mulitoka mukingo yake. Mais il y a une chose que ces hommes, les chefs ont fait qui est très bonne. Lakini kwa kitu kimoya kile bale bakubwa walifanya kilikuwa kizuri. Lorsque les chefs d'Israël, wakati bakubwa wa Israël, et Roboam entendit ce que Dieu avait parlé par son serviteur, na Roboam anashikia kile Mungu alisema kupitia mtumishi wake, Ils disent, Bakasema, l'Éternel notre Dieu est juste. Kwa milele Mungu wetu ni mwenye kuwa wa haki. Le roi Roboam, Mfalme Roboam, ainsi que tous les chefs d'Israël, na bakuba bote ba Israël, après avoir entendu de la bouche du prophète Shemaïa, kisha kushikia mukinywa kya nabii Shemaïa, que Dieu les abandonnait, parce que eux l'avaient abandonné. Sema Mungu anabaacha juu bobo alikuwa basha kumwacha. Ils n'ont pas traité Dieu d'injuste. Hawakufanya Mungu kuya mzalimu. Ils ont dit, balisema, Dieu est juste. Mungu ni wa haki. Si il nous abandonne, kama natuacha, il nous donne la réponse, anatukaburia majibu, à ce que nous avons fait. Mubile tulifanyaka. Il s'humilière. Badi jinyenyekeza. Pour demander à Dieu de ne pas les détruire par la main de ses ennemis. Dieu a kumulomba Mungu ashibaharibishe kupitia mikono ya baadui. Lorsque Roboam, wakati Roboam, et les chefs d'Israël, na bakubwa ba Israël, similière devant la parole de l'Éternel, balijishusha kumbele ya neno ya wa milele, Dieu eut pitié d'eux. Mungu akabashikilia tena buluma. Il dit au prophète, akamwambia nabii, allez dire à Roboam et aux chefs d'Israël, wende kamoneshe Roboam na bakubwa ba Israël, que comme je voulais les détruire par la main de leurs ennemis, vile nilipenda kubaharibisha kupitia mikono ya baadui babo, par la main des Égyptiens, kupitia mikono ya ba Misri, comme ils se sont humiliés, vile barijishusha, je ne les détruirai plus par la main des Égyptiens, siwezi kubaharibisha kupitia mikono ya ba, mais comme punition, lakini sawa kwa leur désobéissance, ya kutokuamini kwa, ya kutokutii kwabo, à leur péché, dhambi yabo, ils seront amenés en captivité dans un pays étranger. Bata bapeleka mubutumwa ku inchi mwa kigeni. Ils seront assujettis au roi d'Égypte. Bata batisha kwa mfalme wa Misri. Et ils seront, na batayua, ils comprendront, bataelewaka, ce que signifie, maana ya kusema, être sous la domination de païens. Kuya mutawalo ya bapagano. Deuxième chronique, chapitre 12. Mambo ya siku 12. Le verset 5. Mutaratan. Alors Shemaïa, le prophète, s'est rendu auprès de Roboam et des chefs de Juda, qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit. Hapa sasa Shemaïa nabii akaenda kumbele ya Roboam na kwa bakubwa ba Yudea bale barijikokotaka ku Yerusalema akabakaribia na akabaonesha. Ainsi par l'Éternel, hivi wa milele anasema, vous m'avez abandonné, mwe muriniacha, je vous abandonne aussi, na mie na miacha, et je vous livre entre les mains de Shishak. Na mitoa mu mikono ya Shishak. Vous voyez, munaona, quand vous abandonnez Dieu, wakati munaacha Mungu, soyez sûr que Dieu aussi t'abandonnera. Ukuye na hakikisho ya kusema Mungu naye atakuachiria. Tu remplaceras la bénédiction de l'Éternel par ton propre malheur. Utakombosha baraka ya milele na ole yako mwenyewe. Dieu a un principe. Mungu anikala na kanuni. Si tu te montres bon envers lui, kama unajionesha mwema kwake, il sera bon envers toi. Na yeye atakuwa mwema kwako. Si tu te montres juste devant Dieu, kama unajionesha wa haki kumbele ya Mungu, il agira aussi d'une manière juste devant toi. Na yeye atatenda mnamna mzuri kumbele yako. Dans 2 Samuel, Mon Samuel au Apiri, au chapitre 22, Sura ya makumi mbili na mbili, au verset 26, Mustara makumi mbili na sita, verset 27, nous lisons. Makumi mbili na saba tukuna somo. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Pamoja na ule mwenye kuya mzuri na wewe unajionekanisha mzuri. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Pamoja na mtu wa kunyoloka na wewe unatenda vitu vya kunyoloka. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Na ule mwenye kuya safi na wewe unajionekanisha safi. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Na ule mwenye kuharibika huko unatenda kufuatana na kuharibika kwake. Voilà la, le principe de Dieu. Comme vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Vile mwe muriniacha na mimi na miacha. Quand vous prenez dans Proverbe au chapitre 1, wakati mnabeba Mezali sura yake ya kwanza, il y a une très bonne leçon ici. Kuko mafundisho mzuri hapa na hapo. Nous ne devons jamais abandonner la parole. Atuweze kamwe kuacha neno. Lorsque nous restons avec la parole, nous agissons droitement et correctement devant le Seigneur. Tutatenda bitu bya kunyoloka kumbele ya Bwana. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Na tutafanya bintu bya kumupendeza. Et Dieu sera droit. Il sera droit à notre égard. Na Mungu atakuwa kunyoloka kwetu. Il sera bon à notre égard. Atakuwa mwema kwetu. Proverbe chapitre 1. Mezali sura. Dans son verset 24. Makumi mbili na nne ya mstari. Puisque j'appelle et que vous résistez. Juu wakati niko na mita na mwe mko na. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Niko na nyosha mkono hakuna ule mtu yuko na shituka. Puisque vous rejetez tous mes conseils. Juu mko na tupa mashauri. Et que vous n'aimez pas me réprimande. Na amupende mimi kumikemea. Moi aussi. Mie naye. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Nitachekaka wakati ule tamibamba. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Nitamichekeleaka wakati woga itamishika. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Wakati woga itamishika sawa vile pepo. Et quand le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Na wakati ule tamizunguluka sawa kwa kwa. La détresse et l'angoisse fondront sur vous. Wakati mateso itakuya kwenu. Alors, ils m'appelleront. Pale sasa batanita. Et je ne répondrai pas. Na mishita wajibia kamwe. Ils me chercheront. Batanitafutaka. Et ils me trouveront pas. Na batanipataka. Ce sont les principes de Dieu. Ndio makanuni ya Mungu. L'église est avec moi. Eti kanisa iko pamoja na mie. Nous devons chercher Dieu. Tunapasha kutafuta Mungu. Et sa protection. Na ukingo yake. D'une manière qui lui plaît. Munamna ambayo yuko anamfurahisha. Dieu ne décevra jamais tout homme ou toute église ou famille. Mungu asiwezi kukosea kamwe. Qui honore sa parole. Mwanaume au jamaa bale beko naheshimia neno yake. Un homme qui lui reste soumis. Mtu leko namutii. Il profitera de la bénédiction de l'Éternel. Atafaidia ku baraka ya il profitera de la protection de l'Éternel. Atafaidia ukingo ya wa milele. Et ne l'oubliez jamais. Na musisabu kamwe. Quand Dieu te parle, wakati Mungu anakuzungumzia, c'est ça le temps favorable pour vous d'écouter. Njo wakati mzuri kwako wewe kushikia. Mais lorsque Dieu parle, sasa wakati Mungu anasema, vous bouchez les oreilles. Wewe unafunga mashikio. Quand le temps maintenant de cette châtie arrive, sasa wakati wa kufuta tafika, tu vas crier, utalalamika. Et Dieu n'écoutera pas ta prière. Na Mungu hashitashikia maombi yako. Quand Dieu te reprend, wakati Mungu anakukemea, écoutez, sikia la réprimande de Dieu. Bile Mungu eko nakukemea. L'église est avec moi. Pamoja na mie. Quand Dieu te reprend, wakati Mungu anakukemea, c'est pas qu'il t'aime. Ni Dieu en a coupenda. Il ne veut pas que mal t'arrive. Achipende bubaya bukufie. Il ne veut pas voir ton malheur. Achipende kuona ole yako. Il ne veut pas voir ta souffrance. Achipende kuona mateso yako. Mais quand il te réprimande, sa wakati kuna kufokea, soyez aussi sage. Kuwe tena na waikima. De te repentir. Utubu. Vous aurez la miséricorde de Dieu. Utapata rehema ya Mungu. La miséricorde de Dieu. Rehema ya Mungu. Se révèle sur chaque frère. Inafunuliwa kwa kila ndugu. Sur chaque famille, sur chaque église, qui se répand devant une réprimande de l'Éternel. Quand Dieu t'envoie son serviteur pour te redresser, humiliez-vous, répandez-vous, tu auras la miséricorde de Dieu. C'est bien compris. Eti, tunaelewa mzuri. Mais si vous voulez opier la réprimande, sasa wakati unafinyanga makemeo, vous le faites pour votre malheur. Unaifanya juu ya ole yako. Et vous n'aurez aucun secours. Na hautapataka msaada hata moya. Lorsque la main de Dieu ne sera plus sur vous. Wakati mkono ya Mungu haitakuwa tena yulu yako. Alors tout homme intelligent sasa mtu wote wa akili doit comprendre anapasha kuelewa qu'il doit continuellement rester sous la bénédiction de l'Éternel. Anapasha kubakia kila mara chini ya baraka ya milele. Dans le verset 6, mustari ya 6, le chef d'Israël bakubwa ba Israël et le roi Naba falme similière et dit bakajinyenyekeza na l'Éternel est juste wa milele ni wa haki. Comme nous l'avons abandonné vile shitulimwacha, lui aussi nous a abandonné na yeye anatuacha. Il nous a traités selon les actions, nos propres actions. Anatenda kufatana na matendo yetu shebenyewe. Il nous a payé selon le travail que nous avons fait. Anatulipa kufuatana na kazi ile tulimfanyishia. Et quand l'Éternel, na wakati wa milele, vit qu'il s'humilie, aliona wakati walijishusha, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja. Neno ya milele ikamwendea Shemaïja. Ils se sont humiliés. Barijinyenyekeza. Je ne le détruirai pas. Sitaweza kubaharibisha kamwe. Je ne tarderai pas à les secourir. Siwezi kukawia kuya kubasaidia. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Na kasirani yangu haita zambalala mu Yerusalemu kupitia Shishak. Mais ils lui seront à Shishiti. Lakini batabaweka kubutumwa. Et ils sauront ce que c'est servir ou servir le royaume des autres pays. Na kule ndio batajua kutumikia wa milele au kutumikia mafalme ingine. Regardez le comportement de Roboam. Tazama mwenendo ya Roboam. En s'humiliant, mukujinyenyekeza, il a profité d'une faveur de l'Éternel. Arifaidia msaada ya wa milele. Je m'arrête un peu ici. Na shimamia kwanza hapa. Bien-aimés frères et sœurs. Bapendo anduku na dada. L'orgueil et l'endurcissement devant la parole de Dieu n'est pas une bonne chose. Kiburi na roho nguvu kumbele ya neno ya Mungu haikalai kitu kizuri. Lorsque tu commences à être arrogant et tu manifestes de l'incrédulité devant Dieu et devant sa parole, tu le fais pour votre destruction. Wakati unaanza kuwa wa kibengo na incrédule na wakutokuamini kumbele ya neno ya Mungu unaifanya juu ya ole yako na kuharibika kwako. Ces deux choses ici, Dieu ne les apprécie jamais dans un homme, dans un foyer, ou dans une église, ou dans un peuple. Mais Dieu aussi a un principe. Lakini Mungu naye anekalaka na kanuni. Quand un homme reconnaît ses péchés, wakati mtu anatambua dhambi yake, il se repent, anatubu, il s'humilie devant sa parole, anajinyenyekeza mbele ya neno yake, Dieu aussi le sauve. Mungu naye anamuokola. Et Dieu arrêtera. Na Mungu atashimamisha. Même le malheur, il avait déjà arrêté sur lui. Ambaye alikuwa ashakutunga juu yake. La seule manière, la seule possibilité qui peut arrêter la colère de Dieu sur nous, c'est savoir nous humilier, c'est savoir nous repentir, c'est savoir reconnaître nos fautes. Oui, bien aimé frère, Dieu aime cela. Mungu anapendaka ile. Quand un homme reconnaît sa faute, wakati mtu anatambua makosa yake, il s'humilie, anajinyenyekeza, et s'en repent, na anatubu. Dieu regarde son humiliation, Mungu anaangalia namna anajinyenyekeza, arrête sa colère, na Mungu anashimamisha kasirani, cet homme, yule yule mtu, cette femme, yule yule mwanamke, cette famille, mwile jamaa, cette église, mwile kanisa, ou ce peuple, au mwile taifa. Pourquoi? Juu ya nini? Notre Dieu est riche en bonté. Mungu wetu ni mtajiri mwema. Il est miséricordieux envers ceux qui se repentent. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs dans le péché. Qui sait que tu vis une certaine vie qui est opposée à la parole de Dieu? Tu as un comportement que Dieu n'agrée pas. Uko na mwenendo ile Mungu ashikubali. Dieu parle sa parole. Mungu pitia neno yake. Il te reprend. Anakukemea. Il te montre la voie juste à suivre. Anakuonyesha njia ya wewe kufuata. Au lieu de t'humilier. Baada ya kujinyenyekeza. De reconnaître tes péchés. Utambua makosa yako. Et de te repentir. Na upate kutubu. Vous bouchez les oreilles. Wewe unafunga masikio. Et vous avancez dans votre incrédulité. Na unaendelea mkutokuamini kwako. Vous recevrez votre salaire. Utapata mshahara wako. Comme la Bible le dit, vile Biblia inasema, ce que tu sèmes, kile unapanda, c'est ce que tu vas moissonner. Ndio paka kile utavuna. Mais notre Dieu, lakini Mungu wetu, ne rejette jamais, ashitupake kamwe, un homme qui s'humilie. Mtu yule anajinyenyekeza. Quand un homme s'humilie, wakati mtu anajinyenyekeza, une église, une famille s'humilie, jamaa au kanisa anajinyenyekeza, sera dans l'obligation mapashwa, de sauver cet homme-là, cette famille, jamaa, ou cette église, ou le kanisa. Parce que Dieu ne veut pas notre destruction. Juu Mungu ashipendai kuharibika kwetu. Et Dieu sait, na Mungu anayua, que la voie de l'humilité, njia ya kujishusha, la voie de la repentance, njia ya kutubu, c'est le chemin du retour d'un peuple égaré à lui. Ni njia ya kurudilia ya taifa ile lipotea kwake. Le seul chemin par lequel un pécheur retourne à Dieu, c'est la voie de l'humilité et de la repentance. Njia moya ya mtenda dhambi kumrudilia Mungu ni kujishusha na kutubu. Dans 2 Samuel, Samuel wa pili, au chapitre 22, makumi mbili na mbili, au verset 22, mustari wa makumi mbili na mbili. La repentance est le chemin du retour vers notre Dieu. Kutubu ndio njia ya kumrudilia Mungu wetu. Qui nous permettra d'arrêter la colère de Dieu sur nous. Tatusaidia tushimamishe kasirani ya Mungu ili yetu. Et d'arrêter tous les mots que Dieu avait déjà arrêté sur nous. Na kushimamisha vitu vyote vibaya vile Mungu alikuwa ashakupanga kututendea. 2 Samuel chapitre 22. Samuel wa pili sura ya 22. Dans son verset 28. Mstari wa 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Unaokolaka taifa yenye kujinyenyekeza na kumacho yako nekalaka mkushusha benye kwa babiburi. Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Mungu anekalaka mkokola taifa yenye kujinyenyekeza. Dieu ne peut pas retenir sa colère à toujours sur quelqu'un qui s'humilie. Mungu asiweze kuchunga kashirani yake mashiku yote kwa mtu mwenye kujinyenyekeza. Peu importe la méchanceté de quelqu'un. Hata ijapokuwa alitenda dhambi aina kani. Peu importe le péché qu'il a commis. Hata kama alitenda dhambi ya je. Si ce n'est pas un péché volontaire. Kama aina dhambi ya kumakusudi. Si cet homme s'humilie, kama mtu anajinyenyekeza, Dieu aussi lui sera favorable. Mungu naye atamkubali. Même si c'est un méchant. Hata kama ni mtu mubaya. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Mais c'est que le peuple ne comprend pas. Sasa kile taifa ikalaye mkuelewa. Ils ont difficile à s'humilier devant le Seigneur lorsqu'ils se sont déjà engagés dans la voie du mal. Wanekalaka na magumu mingi ya kujinyenyekeza kumbele ya wa milele wakati basha kwenda mbele. Ils refusent d'arrêter de descendre en enfer. Wanakatalaa kushibamisha kushuka mgena. Notre Dieu est miséricordieux. Mungu wetu ni wa rehema. Lorsque vous prenez Premier Roi au chapitre 21. Wakati mnabeba Wafalme wa kwanza 21. Dans son verset 29. Mustari ya 29. Premier Roi au chapitre 21. Wafalme wa kwanza sura 21. Regardez comment Dieu agit sur Akab le méchant. Tazama vile Mungu yuko natenda kwa huyo mfalme Akabe mtu mubaya. Malgré sa méchanceté. Ijapokuwa mubaya wake. Lorsque Akab a entendu la parole de l'Éternel. Wakati Akab alisikiaka neno ya milele. Et qui s'humilia devant le Seigneur. Na akajinyenyekeza kumbele ya Bwana. Dieu était obligé d'arrêter le malheur qu'il avait déjà annoncé sur lui. Mungu alilazimishwa shibamishe ole ile alikuwa ashakutangaza yule yake. Premier Roi au chapitre 21. Je commence au verset 1 pour aller un peu plus vite jusqu'au verset 29. Minaanzia huko yulu mpaka ku verset 29. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Akuku yake mtu ule alijito alijuzishaka saa Akabu juu ya kufanya bibaya kumbele wa milele. Est-ce que vous lisez avec moi? Eti mwana soma pamoja na mie. Il n'y a eu personne. Akuku yake mtu hata moya. Qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ule alijitoaka saa Akabu juu ya kufanya bibaya kumbele wa milele. Et Jezabel sa femme l'excité. Na Yezabeli bibi yake alikuya anamu. Il a agi de la manière la plus abominable. Alitendaka munamna moya ya makufuru kabisa. Anala après de les idoles. Mukwenda kumasanamu. Comme le faisaient les Amoréens. Vile ba Amoréens walikuwa nafanya. Que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Bale wa milele alifukushaka kumbele watoto ya Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie. Kisha kushikia neno ya Eli. Qui le reprimande sur sa conduite. Ula ranza kumukemea kumwenendo yake. Akab déchira ses vêtements. Akab akapasula mavazi. Il mit un sac sur son corps. Akaweka saki mwili yake. Et il jeûna. Na akafunga chakula. Il coucha avec ce sac. Akalala na ile masaki yake. Et il marchait lentement. Na akaanza kutembea pole pole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tisbite en ce mot. Na neno ya milele kupitia Élie wa Tisbite akasema hivi. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Uriona vile Akab alinyenyekeza kumbele yangu. Parce qu'il s'est humilié devant moi. Juu alinyenyekeza kumbele yangu. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Siwezi kuleta ole wakati angali mzima. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Itakuwa ni wakati ya mtoto yake ile mitaleta ole kunyumba yake. L'église est avec moi. Kanisa pamoja na mimi. Écoutez frère. Usikilize ndugu. La Bible elle même commence par dire, Biblia yenyewe inaanza kusema, en Israël, ou Israël, il n'y a jamais eu un homme qui s'est vendu au diable pour faire du mal comme Akab. Mu Israël akukuku yake muntu la rizitoa kwa shetani kufanya bibaya sa Akab. Il avait une mauvaise femme qui l'excitait à faire du mal. Alikuwa na bibi mo mubaya anza kumsukuma kutenda paka bibaya. Il a commis des abominations. Alifanya kama kufuru. Aucun roi n'a jamais commis. Ili hata mfalme moyo asikufanyake. Mais regardez. Sasa angalia. Quand Élie le prophète vient, wakati Elia nabi akakuya, pour lui annoncer les malheurs que Dieu frapperait sa maison, Dieu a kumtangazia olele Mungu alipasha kupiga nyumba yake. Après qu'Akab le méchant, kisha ule Akab mutu mubaya, et a entendu les malheurs prononcés par Dieu, par son serviteur, kushikia olele mtumishi alitangaza, Akab déchira son manteau, Akab akapasula nguo yake. Il tomba par terre. Akanguka mbulongo. Il prit le sac de cendre. Akabeba saki ya maivu. Il jeûna devant l'Éternel. Akafunga kumbele wa milele. Il s'humilia. Akajinyenyekeza. De telle manière. Namna ya kusema. Bien qu'il était méchant. Hata vile kwa mtu mbaya. Dans son humilité. Lakini mkujinyenyekeza kwake. Dieu a vu son humiliation. Mungu aliona namna anajishusha. Dieu était obligé d'arrêter la colère. Mungu alizalimisha kushibamisha kasirani. À cause de l'humilité que tu as manifestée devant ma parole. Juu ya kujinyenyekeza unaonesha kumbele neno yangu. J'arrête momentanément pendant ta vie. Nashimamisha wakati ya buzima yako. Le mal que j'avais déjà arrêté de te faire de faire ta maison. Ubaya nilikuwa nisha kupanga kuharibisha nyumba yako. Mais comme je te donne un repos momentané. Na ukaburia mapumziko moya wakati. Je te donne une paix momentanée à cause de l'humilité. Kabla ka salama juu ya kujishusha kwako. Mais pour le péché que tu as commis. Lakini juu ya dhambi ulitenda. Je châtierai ta maison après toi. Nitapika ka nyumba yako kisha wewe kufa. Nduku. Ma sœur écoute. Dada yangu isikia. Nous ne sommes pas des méchants comme Akab. Si hatuna watu wabaya sa Akab. Nous ne sommes les enfants d'Abraham. Chetu kwa watoto ya Abraham. Si nous fautons. Kama tunakotola. Nous bronchons. Tunakotola. Et que nous nous humilions. Na tunajishusha. Dieu. Namna kani Mungu. Si nous refusons. Anaweza kutukataria. Pardon. Kutuhurumia. Si Dieu a pardonné. Kama Mungu alihurumia. Akab le méchant. Akab mtu mbaya. L'homme s'est humilié. Wakati alinyenyekeza. Comment l'Éternel Dieu. Namna kani Mungu. Ne nous pardonnera pas. Asiweze kutusamehe. Lorsque nous nous humilierons. Wakati alinyenyekeza. Sous le sang de Jésus Christ. Chini ya damu ya Yesu Kristu. Frère, il y a une très bonne leçon qui peut nous prendre beaucoup de temps. Inatubea wakati mingi. Dieu aime Mungu anapendaka un homme qui s'humilie. Mtu mwenye kujinyenyekeza. L'humilité, notre humilité devant Dieu. Kujinyenyekeza kumbele ya Mungu. Ote la colère de Dieu sur nous. Inatosha kasirani ya Mungu yulu yetu. Notre humilité devant Dieu. Kujinyenyekeza kwetu. Otera toutes les malédictions sur nous. Itatosha lana yote yulu yetu. Si Dieu peut exaucer méchant. Kama Mungu anaweza kujibu mbaya. Comment ne peut-il pas exaucer? Namna gani anaweza kujibu? Un fils de la semence royale d'Abraham. Mtoto ya uzao ya Abraham. Un fils de Dieu qui jette sous le sang. Mtoto wa Mungu mwenye kwa chini ya damu. Nduku. Lorsque nous avons péché. Wakati tulitenda dhambi. Humilions-nous sous le sang de Christ. Tujinyenyekeze chini ya damu ya Yesu Kristo. Le Seigneur nous pardonnera. Bwana atatuhurumia. Il nous sera favorable. Atatukubali. Il nous sera miséricordieux. Il nous fera miséricordieux. Atatushikiria huruma. Na. Il nous relèvera. Atatulamusha. C'est notre incrédulité. Notre orgueil. Kiburi kietu. Qui nous châtie. Inegalamu kutupika. Regardez comment Dieu agit. Angaria vile Mungu alitenda. Par la même bouche. Mukinywa kimoya kimoya. Par où il avait prononcé le malheur. Mule alitangazia ole. Quand Akab s'humilie. Wakati alijishusha Akab. Dieu retourne la même bouche pour dire. Mungu anarusha pale kinywa kimoya juu ya kusema. Tu as vu comment il s'est humilié. Uliona vile alijishusha. Va lui dire. Wende kamoneshe. Que je le pardonne. Mina murumia. Il ne verra pas le malheur que j'ai promis. Ashitaona olele minilaka. Mais comme j'ai déjà prononcé cela, et que ma parole ne peut pas retourner chez moi, na à moi, sans effet, sans accomplir pourquoi je l'ai prononcé, le malheur lui viendra. Et comme lui il s'est répandu, ça ne sera plus en son temps, mais c'est au temps de son fils. Si l'Église peut comprendre ça, si chaque frère, chaque sœur peut comprendre ça, kuelewa ile. Alors à chaque désobéissance, sasa, mukila wakati ya kutokuti, à chaque péché que nous commettrons, mukila nzambi tu kunafanya, nous nous repentirons vite et mbio, la colère de Dieu s'arrêtera. Na kasirane wa milele tashimama. Oui, bien aimé frère. Ndiyo nduku mupendwa. Ce soir, j'aime que chaque frère comprenne ceci. Notre Dieu est miséricordieux. Mungu wetu ni wa rehema. Et il fera toujours miséricorde na atafanyishia kila mara rehema. À tout homme qui s'humiliera devant sa parole. Kwa kila mtu atajinyenyekeza kumbele neno yake. Peu importe ce qu'il a fait. Ijapokuwa alifanya. Ijapokuwa bubaya wake. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Lorsque nous prenons le livre de Jonas. Wakati tunabeba kitabu cha Yona. Regardez comment Dieu a pardonné les gens de Ninive. Tazama namna Mungu alihurumiaka watu wa Ninive. C'est l'histoire que vous connaissez. Ni hadithi mnaijua. Dieu avait résolu de les détruire. Mungu alibeba mipango ya kubaribisha. Parce que c'était de grands pécheurs devant Dieu. Tu parles quoi battre dans Zambie banen? Ils étaient grands pécheurs devant Dieu. Tu parles quoi battre dans Zambie bakubwa kumbele ya Mungu. Mais lorsque Dieu a envoyé Jonas, sasa wakati Mungu anamtuma Yona, à la proclamation de l'évangile, mukutangaza injili, parce que Dieu les amenait, les appelait à la repentance. Juu Mungu alibaitaka mkutubu. Lorsque le roi, wakati mfalme, les chefs, bakubwa, et tout le peuple, na taifa yote, entendit, barishikia, le message de Jonas, mujumbe ya Yona, il s'humiliait, bari jinyenyekeza. Il portait les sacs et la cendre. Bari beba masaki na majivu. Et Dieu était obligé d'arrêter sa colère. Na Mungu alilazimishwa kushimamisha kasirani yake. Oui bien aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. La repentance kutubu amène arrête la colère de Dieu sur nous. Inashimamisha kasirani ya Mungu. La repentance kutubu arrête tous les maux que Dieu avait déjà arrêté. De nous frapper sur nous, de nous frapper. Iko na shimamisha vibaya vyote Mungu alikuwa ashakupanga juu ya kutupiga. La repentance. Kutubu. Arrête même notre mort. Inashimamisha kata lufulu wetu. Et Dieu aime un peuple qui se repent. Na Mungu anapenda taifa yenye kutubu. Quand vous vous repentez. Wakati unatubu. Vous manifestez de l'honneur. Uko naonekanisha heshima à l'égard de Dieu, mbele ya Mungu, et à l'égard de sa parole, na mbele ya neno yake. Vous manifestez de la crainte. Uko naonesha boka. Vous voyez, unaona? La repentance kutubu montre que tu respectes Dieu. Inaonesha usema unaheshimia Mungu. Tu honores Dieu. Uko naheshimia Mungu. Tu crains Dieu. Uko naogopa Mungu. La repentance montre que kutubu unaonesha le péché que tu as commis là, ile zambi ulitenda, tu l'as pas fait volontairement. Au kuifanya kwa makusudi. C'est pourquoi tu t'en repens. Ndio kwa maana unaitubu. Mais quand quelqu'un entend la parole, wakati mtu anasikia neno, il ne se repent pas. Na ashitubu. Ça il est fait par orgueil. Ile kunafanya kwa kiburi. Il commet un péché volontaire. Anafanya zambi ya makusudi. Il se moque de Dieu. Anamchekelea Mungu. Il se moque de ses envoyés. Anamchekelea bali Mungu anatuma. Il se moque du message d'avertissement. Anachekelewa mujumbe ya makalamusho ile alishikia. Oui bien aimé frère et sœur. Ndio ndugu mpendwa. Dieu aime quelqu'un qui s'humilie. Mungu anapenda mtu akujinyenyekeza. Et Dieu est très simple. Na Mungu yuko tu mzuri. Dieu n'est pas compliqué. Mungu hashina wa nguvu nguvu. Quand tu te montres gentil, wakati unaonekanisha mwema, il se montre aussi gentil à ton égard. Na yeye anakuwa mwema kwako. Quand tu te montres bon, lui aussi sera bon à ton égard. Quand tu te montres méchant, il laisse les méchants venir te châtier selon ta méchanceté. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. C'est pourquoi quand je parle, ne nous opposons jamais au Seigneur. Quand Dieu nous avertit, quand Dieu nous réprimande, humilions-nous et abandonnons notre orgueil. Ne nous opposons jamais à Dieu. S'opposer à Dieu, être incrédule à sa parole, cela signifie que nous aimons notre propre destruction. C'est vrai frère. Nikweli nduku. C'est vrai ma soeur. Nikweli dada yangu. Dieu te dit une chose. Mungu anakuonesha kitu kimoja. Il te reprend. Anaukemea. Vous continuez. Wewe unaendelea. Il envoie tes serviteurs. Anatuma mtumishi wake. Il te reprend. Anakukemea. Et toi tu continues. Na wewe ukopaka naendelea. C'est parce que tu n'as aucun respect à l'égard de Dieu. Tu es un rebelle. Uko ntomboshi. Et vous récolterez. Na utavuna. C'est pourquoi il y a beaucoup de frères et sœurs qui se trouvent dans beaucoup de malheurs. Après qu'ils se soient retrouvés dans le malheur, ils commencent à se reposer la question de savoir pourquoi le malheur est sur eux. Non, bien-aimés frères et sœurs. Dans Proverbes au chapitre 1, Mezali sura ya kwanza, là où nous avons lu, kule turikuya, vous rejetez, munatupa, munakatala. Au verset 28, là où nous sommes arrêtés. Alors, ils me répondront, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la connaissance. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. C'est lui qui ne se répand pas du mal qu'il a commis après l'avertissement de Dieu, après la réprimande de Dieu, montre qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas choisi la crainte de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides de l'étude kiburi, car la résistance des stupides de l'étude et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, ataikala na il vivra tranquille ataikala et sans craindre aucun mal. Na bila kuogopa tabu baya bumoya. L'orgueil des stupides, kiburi les tue. Un stupide, mutubumbafu, c'est un homme et une femme ni mwanaume au mwanamke qui ne veut pas se laisser reprendre par Dieu, Mungu amkemee, qui ne veut pas s'humilier devant Dieu et devant sa parole, ule ashipendake kujinyenyekeza kumbele ya Mungu na kuneno yake. La réprimande de Dieu. Kukemewa kwa Mungu, makemeo ya Mungu. Viens pour nous arrêter dans notre chemin de la folie sur laquelle nous sommes engagés. Iko na kuja juu kutusimamisha munjia ya majimu mule tuliingia. Mais quand quelqu'un ces cartes de Dieu, il ferme son oreille, anafunga mashikio yake, il recevra ce qu'il a choisi. Atapokea kile alichakula. Donc, avant de terminer, sasa mbele shikumariza, je vous dis ceci. Napenda mionyesha hivi. Écoutez cela. Shikia ile. Frère. Nduku. Quand Dieu te dit quelque chose, wakati Mungu anakuonesha kitu kifulani, soyez suffisamment humble. Ukuye kabisa mnyenyekevu. Pour arrêter ce que tu faisais. Jua kushimamisha kile ulianza kufanya. Humilie-toi sous sa main puissante. Unyenyekeze chini ya mkono wake. Repentez-vous. Tubu. Et Dieu te fera grâce. Na Mungu atakufanyia neema. Dieu ne peut pas refuser. Mungu asiweze kukatala kamwe. De faire grâce. Kufanyia mtu neema. À tout homme qui s'humilie devant sa parole. Kwa mtu yote mwenye kujinyenyekeza kumbele ya neno yake. Et la seule manière, na la seule possibilité pour un croyant d'arrêter la colère de Dieu sur lui, c'est savoir s'humilier, se repentir, reconnaître ses torts devant Dieu. Dire Seigneur, je reconnais mon péché, j'ai agi en insensé, je te demande pardon. Na kulomba buluma. Pardonne-moi Seigneur. Unihurumie Bwana. Et Dieu sera miséricordieux envers vous. Na Mungu atakuwa wa rehema kwako. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Bwana ambariki juu ya magharibi ya leo. Vous avez compris. Bangapi banaelewa. Comprendre signifie kuelewa maana yayo. Vivre ce qu'on a écouté. Kuishi bila ulishikia. Chaque fois que vous allez en dehors de la volonté de Dieu, chaque fois que vous péchez, ne résistez jamais devant la parole de Dieu. Répondez-vous toujours. Et la miséricorde de Dieu sera sur vous. Lèvons-nous pour la prière. Prions-nous tous ensemble. Seigneur notre Père.